Stabiliser l'allure en retirant le pied de l'accélérateur est possible avec le limiteur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le régulateur de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D.